aller sans cheval, s'est trompé de territoire dans un rodéo bancal au milieu d'un diable blafard. Dans une prairie remplie d'échiquiers, il traverse un désert à la recherche d'un saloon ou d'un refuge de desperado. Et d'échiquier en échiquier, de territoire en territoire, le cavalier sans cheval rêve d'une Amazone, enjambant des soldats noirs à défaut d'un cheval. Non, cavalier ne cherche plus dans ce canyon, où plus aucun écho ne résonne. Au bout de ce désert, le fou a attaqué le roi, ou des reines assises par terre ont déterré l'âge de guerre, préférant les soldats blancs à tous ces cheveux noirs. Elles cherchent leur direction en s'emparant de quelques soldats blancs. D'impasse en impasse, de passage en passage, le cavalier au cheval blanc ne veut plus voir la reine pleurer. La tour restant figée devant le roi des fous, où une reine aux cheveux roux préserve sa tribu, et c'est très bien comme ça. Un instant et apercevant une tour, elle appelle au roi des fous et s'accorde à page rebelle. Assis sur un cheval blanc dans des rues remplies d'échiquiers, des cavaliers noirs survolent des vautours, et ça rend nerveux un roi trop ambitieux. Et d'impasse en impasse, de passage en passage, le cavalier au cheval blanc ne veut plus voir la reine pleurer. La tour restant figée devant le roi des fous, où une reine aux cheveux roux préserve sa tribu, et c'est très bien comme ça.